Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, il y avait une boulangerie à côté. Je courais après la sortie, à 4h30, pour acheter des bonbons. Cette boulangerie, pour nous, c'était la caverne d'Ali Baba. Je me souviens des bonbons de toutes les couleurs et surtout de l'odeur des pains au chocolat. Il y avait aussi des pains au raisin.